السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز والجبار، وقد ذكر هذان الاسمان معا في قوله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذه الآية. وأما العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من 100 مرة. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il y a également parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz et Al-Jabbar. Et ces deux noms ont été cités conjointement dans Sourate Al-Hashr. À la fin de Sourate Al-Hashr, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il est Allah, celui en dehors duquel nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est lui. Il est le souverain, le saint, le pacifique, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, le contraignant. Al-Aziz, le puissant. Al-Jabbar, le contraignant. Et le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar, on ne le trouve pas dans le Coran, si ce n'est dans ce verset. Il a été mentionné une fois dans le Coran, c'est dans ce verset. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, il a été mentionné de très nombreuses fois. Près de 100 fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Aziz, ay, alladhi lahu jami'u ma'ani l'izza. Al-Aziz, c'est celui qui possède l'ensemble des sens de l'izza, de la puissance. Comme a dit subhanahu, inna al-izzata lillahi jami'a. Certes, la puissance dans son entièreté appartient à Allah. Ay alladhi lahu al-izzatu bi jami'i ma'aniha wa hiya tarji'u ila thalathati ma'ani kulluha thabitatun lillahi 'azza wa jalla. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: il possède la puissance dans tous les sens du terme. Ses sens sont au nombre de 3. Ses sens sont au nombre de 3. Allah Azza wa Jal les possède tous. Et cela parfaitement et complètement. Al-ma'na al-awwal, le premier sens de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, est izzatul quwwa min 'azza ya'uz min 'azza ya'az. Na'am. Al-ma'na al-awwal, izzatul quwwa, le premier sens de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens de la force. C'est dans le sens de la force. Ainsi, on dit Azza ya Azzu. Wahiya wasfu al-azim alladhi la tunsabu ilayhi quwwatu al-makhluqati wa in azamat. Allah subhanahu wa ta'ala a la puissance et la force suprême. C'est un attribut sublime dans la mesure où l'on ne saurait lui attribuer la force des créatures aussi grande soit-elle. Quelle que soit la force des créatures, devant la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est que faiblesse. Et dans le Coran, on trouve قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ وَقَالَ تَعَالَى أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وقال تعالى أولم يرى الذين ظلموا إذ و... نعم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقال تعالى إن الله قوي شديد العقاب. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Donc le premier sens de la puissance d'Allah revient au sens de la force. Allah subhanahu wa ta'ala a la force sublime, absolue, complète, au-delà de laquelle il n'y a pas d'autre force ni puissance. Et dans les textes qu'on trouve dans Surat al-Dhariyat, dans Surat al-Fussilat, Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Hajj, on trouve ce sens-là, la puissance d'Allah Azza wa Jal dans le sens de la force. La traduction approximative des sens de ces versets, certes Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Le détenteur de la force, l'inébranlable. Ici, le détenteur de la force, l'inébranlable, ça revient au sens de la puissance. Le verset suivant, oublierait-il que Allah, qui les avait créés, était infiniment plus redoutable que eux, et bien plus fort qu'eux. Bien plus fort qu'eux. Le verset suivant, si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Allah uniquement. Dans le verset suivant, certes Allah est fort et dur en punition. Certes Allah est fort et dur en punition. Le verset suivant, et ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. Certes Allah est fort et puissant. Certes Allah est fort et puissant. Dans la traduction, on trouve souvent le terme Dieu. Dans la traduction, on trouve souvent le terme Dieu. Il convient de laisser Allah. Il convient de laisser Allah et de ne pas utiliser le terme Dieu. Passons au second sens. Donc, le premier étant la puissance, la force. المعنى الثاني عزة الامتناع. عزة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد لا يبلغ العباد ضره. Ici c'est عزة يعز. عزة يعز. عزة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد لا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فتنفعونه أو فينفعونه بل هو ضار النافع المعطي المانع منزه سبحانه عن الغالب عن مغالبة أحد وعن أن يقدر عليه وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص وعن كل ما ينافي كماله وعن اتخاذ الأنداد والشركاء قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Le deuxième sens de la izza d'Allah subhanahu wa ta'ala a trait à la puissance liée à l'inaccessibilité. À l'inaccessibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut le toucher d'un mal subhanahu wa ta'ala parce que c'est Al-Aziz. Personne ne saurait atteindre le niveau de pouvoir toucher Allah subhanahu wa ta'ala par un mal et lui nuire tabaraka wa ta'ala. En effet, il est suffisant en lui-même et n'a besoin de personne. Les serviteurs ne peuvent parvenir à un tel degré de nuisance au point de lui porter préjudice ou de bienfaisance afin de lui être utile. Au contraire, c'est lui qui peut toucher le serviteur et c'est lui qui peut lui apporter le bien. C'est lui qui donne et retient. nul ne peut le dominer ou le vaincre. Seul le Seigneur est au-dessus de toutes les imperfections et de tous les défauts qui ne conviennent pas à sa grandeur et sa majesté. Il est également exempt de ce qui est contraire à sa perfection. Ainsi, il est très loin d'avoir des semblables et des associés. Il nous dit dans son livre, exempt soit ton Seigneur, le détenteur de la puissance, devant tout ce par quoi ils le décrivent. Et que la paix soit sur les envoyés et que toutes les louanges reviennent de droit à Allah le Seigneur des mondes. Et il nous dit également, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. À lui appartient les attributs les plus hauts, que ce soit dans les cieux ou la terre. Et c'est lui le puissant et le sage. Dans le verset suivant, dit « Montrez-moi ce que vous lui donnez comme associé. » Mais il n'en a point, il est plutôt Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Al-Aziz, il a Izzatul Imtina', il a la puissance absolue, de sorte à ce que personne n'ait la capacité de le toucher d'un mal, ni même de lui être utile ou profitable, tabaraka wa ta'ala, car il se suffit à lui-même, subhana. والمعنى الثالث, le troisième sens mentionné par l'auteur ici, عِزَّةُ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ لِجَمِعِ الْكَائِنَاتِ مِنْ عَزَّ يَعُزُّ عِزَّةُ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ لِجَمِعِ الْكَائِنَاتِ فَهِيَ كُلُّهَا مَقْهُورَةٌ لِلَّهِ خَاضِعَةٌ لِعَظَمَةِ مُنْقَادَةٌ لِإِرَادَةِ وَنَوَاصِي جميع المخلوقات بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Le troisième sens, la troisième signification concerne la capacité de subjuguer et de dominer toutes les créatures. Izzatul Qahr, la puissance, dans le sens où Allah Azza wa Jal est le dominateur suprême. Il bat et domine et est au-dessus de l'ensemble de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et l'ensemble de ses créatures sont contraintes à se soumettre devant sa grandeur, à se résigner, à respecter sa volonté. Allah tabaraka wa ta'ala est le décisionnaire. Nul ne peut se soustraire à sa volonté tabaraka wa ta'ala. Et nul ne peut dominer Allah tabaraka wa ta'ala, ni même faire face à sa puissance subhanahu wa ta'ala. Il est donc le dominateur suprême. Et toutes les créatures lui sont soumises, et ce devant sa grandeur, son immensité et sa volonté. Le toupet de l'ensemble de ses créatures sont dans sa main. Aucun d'entre eux ne peut bouger ou prendre des décisions si ce n'est par sa volonté. Si ce n'est pas sa volonté, sa force et sa permission. Ce que Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Nul ne peut passer d'un état à un autre si ce n'est par sa puissance. Si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au verset mentionné pour ce troisième sens, il nous cite dans Sourate Ali Imran, dit « Ô Allah, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. » On trouve également ce sens dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'histoire de Daoud et Suleyman alayhi salam, wa'azzani fil khitab. Wa'azzani fil khitab ay ghalabani. Wa min athar al iman bi hadha al ism an yakuna dhullu al 'abd lillah wahda la yaltaji'u ilayhi wa la yahtami illa bi himah. ولا يلوذ إلا بجنابه ولا يطلب عزه إلا منه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك كان نيله للعزة أمكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. L'auteur, حفظه الله تعالى, après nous avoir mentionné ces trois sens, nous parlent ici des effets de la croyance des musulmans au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz. Et il nous dit, parmi les effets de la foi dans ce nom, on relève que le serviteur doit se soumettre uniquement à Allah. Il ne doit chercher refuge, protection et asile qu'auprès de lui et ne requérir la puissance, ne rechercher la puissance que de lui. Et dans le verset, celui qui recherche la puissance doit savoir que la puissance appartient tout entièrement à Allah. Plus le serviteur concrétise cela, plus il lui sera possible d'acquérir la puissance. Plus tu as conscience que la puissance est entièrement auprès d'Allah, plus tu te diriges vers lui lorsque tu la recherches, plus Allah subhanahu wa ta'ala te l'accordera. Plus Allah Azza wa Jal te l'accordera. On ajoute que certains parmi les gens de science ont mentionné un quatrième sens de Al-Izza. Ont mentionné un quatrième sens pour Al-Izza. On a mentionné ici en premier Izzatu Al-Quwwa. Puis en second, Izzatu l'imtina'a. Et enfin, Izzatu al-ghalaba, al-qahr ou al-ghalaba. D'autres parmi les savants ont ajouté un quatrième point pour le sens de al-aziz, donc al-izza. Qalu huwa shay'u al-nafis al-nadir. Wal-murad. أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. هذه فائدة. ونزيد من فوائد الإيمان بهذا الاسم أن العبد يكتسب سكينة ويقينا بنصرة الله سبحانه وتعالى, لأن الله هو العزيز والقوي والغالب. وإذا كان الله عز وجل معك فأنت الفئة التي لا تغلب. Parmi les effets bénéfiques de la croyance en ce nom d'Allah Al-Aziz, le fait que tu atteignes la sérénité, l'apaisement et la tranquillité. Pourquoi? Parce que tu as la certitude qu'Allah est le puissant, qu'Allah est le plus fort, le dominateur suprême. Ainsi, si Allah est avec toi, tu ne redouteras plus personne après lui subhanahu wa ta'ala. Si Allah est avec toi, tu es le groupe imbattable. Et on nous mentionne en une analogie. Imaginez un homme qui reçoit le soutien d'un gouverneur possédant une des armées les plus fortes. Et il lui dit, je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre, je suis avec toi. Ce dernier aura un apaisement. Ce dernier se sentira fort et secouru. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Que dire alors si celui qui est avec toi c'est Allah, le roi des rois et leur maître à tous, subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et nul ne connaît l'armée de ton Seigneur si ce n'est lui. Un virus envoyé dans les nations les plus fortes et les plus avancées dans toutes sortes de technologies, que cela a paralysé l'ensemble de leur économie, de leur milieu médical, aérien, aéroportuaire, maritime. Subhanallah al-Azim, al-Aziz, al-Jabbar. Subhanallah, un virus qui a mis la frayeur sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces derniers qui disaient Man ashaddu minna quwwa. En Chine, ils disaient, comme ont dit les peuples anciens, dans Surat Fussilat, Man ashaddu minna quwwa. Qui est plus fort que nous? Qui est plus nombreux que nous? Qui est plus fort que nous? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés, est plus fort qu'eux. Et avec un petit virus qui ne fait pas du tout partie des virus les plus dangereux, voici qu'ils sont tous paralysés. Toi, tu es avec toi, Allah subhanahu wa ta'ala l'Aziz. Ainsi, tu es complètement apaisé. Ainsi, tu es complètement apaisé et tranquillisé. Parce que tu sais que si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, personne ne pourra te toucher sans sa permission. Personne ne pourra t'atteindre si ce n'est selon ce qui t'a été décrété. Ainsi, le musulman, il recherche la puissance qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne la recherche pas à autre que lui. Il ne la recherche pas à autre que lui. Une faïda, une des causes pour obtenir la puissance. Une des causes pour obtenir la puissance, le fait de pardonner aux autres, le fait d'être humble, le fait d'excuser celui qui t'a opprimé, le fait de pardonner, d'excuser celui qui t'a opprimé dans ton droit, celui qui t'a opprimé dans ton droit. Pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam Muslim, nous dit مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Allah ne fait qu'ajouter à son serviteur qui pardonne que puissance. Que puissance. Et Shaitan vient aux serviteurs et leur fait croire que s'ils pardonnent, ça veut dire qu'ils sont faibles et humiliés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de se défendre et de dominer. Ça vient du Shaitan. Quant à l'islam, il appelle le fort, celui qui a la chose dans sa main, celui qui est en position de force, à pardonner. Et l'islam nous enseigne que celui qui arrive à battre son nefs, il va battre Shaitan, ainsi Allah va lui accorder force et puissance. Ainsi Allah va l'élever et lui accorder force et puissance. Et le plus fort de la communauté, le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir subi une vingtaine d'années d'injustice, après avoir vu durant une vingtaine d'années l'injustice sur ses compagnons, certains ont été agressés, certains on leur a nui dans leur argent, d'autres dans leur honneur, d'autres dans leur vie. Et lorsqu'il rentre à Mecca, fatihan laha, en conquérant, il rentre humble. Il rentre humble devant son Seigneur. Et lorsqu'il est maintenant, ou lorsqu'il est désormais en position de force sur son peuple, qu'il l'a fait sortir de Mecca, il leur pardonne. Et des suites de ce noble comportement, Allah lui accorde encore plus de puissance. Et eux embrassaient l'islam, pour beaucoup d'entre eux. Donc, khuluqul af, c'est une des causes pour qu'Allah te donne puissance. C'est une des causes pour qu'Allah te renforce, t'anoblisse et t'élève. Puis l'auteur, rahimahullah wa hafidah, nous dit, lorsque l'on dit rahimahullah, wa shay'u bi shay'in yudhkar, c'est pas forcément que la personne est décédée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demandait la pitié. Il demandait la miséricorde pour le vivant et pour le mort. Et on a tendance, lorsqu'on entend rahimahullah, à penser qu'il est décédé. Le vivant, il a besoin de la rahma d'Allah. Et celui qui est décédé a besoin de la rahma d'Allah. وَالْعِزَّةُ بِمَعْنَى الْقَهْرَ هِيَ أَحَدُ مَعَانِ الْجَبَّارِ فَإِنَّ مِنْ مَعَانِ الْجَبَّارِ أَيْ أَنَّهُ الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها أو في حركتها وسكناتها وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء بل الأمر كله لله والحكم الشرعي والقدر والجزاء كله له لا حاكم إلا هو ولا رب غيره ولا إله سواه وليس معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه بل الأمر كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. La puissance dans le sens de la contrainte est l'un des sens de Al-Jabbar. En effet, parmi les significations de ces derniers, on note « Il est celui qui maîtrise toute chose, celui envers lequel toute chose est redevable et devant lequel toute chose s'incline. Le monde supérieur et inférieur, ainsi que toutes les grandes créatures qui les peuplent, sont assujetties à lui, dans leurs faits et gestes, dans tout ce qu'elles font ou délaissent. Ces dernières obéissent à l'ordre de leur maître et régisseur. Elles n'ont aucune... Elles ne détiennent aucunement le jugement. Elles n'ont aucunement le pouvoir de décréter. Au contraire, cette chose-là, dans son intégralité, appartient à Allah. De même que le jugement législatif, le jugement dans le décret, c'est-à-dire le destin, tout ce qui est décrété, et le jugement dans la rétribution, ces trois types de jugements sont entièrement la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de juge si ce n'est lui, et il n'y a de seigneur en dehors de lui, et il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée en dehors de lui. Attention, cela ne veut pas dire que le serviteur soit contraint dans ses actes. Attention, cela ne signifie pas que le serviteur est contraint dans ses actes. Ça, c'est une croyance erronée, innovée, qui est le dogme d'une secte qui s'appelle Al-Jabriya. Il y a une secte qui a un défaut gravissime dans le domaine du qadar, de la prédestination, qui s'appelle Al-Jabriya. Ils disent que le serviteur est tel une feuille au vent et il n'a aucun libre arbitre. Quand il prie, quand il jeûne, c'est Allah qui fait, ça n'est pas lui. Il est contraint. Il n'a pas de libre arbitre. Ça, c'est leur mauvaise croyance. Nous, Ahl Sunnah, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le dominateur suprême. Qu'il est celui qui dirige tout, qui décide de tout. Néanmoins, il a accordé au serviteur un libre arbitre et une volonté. Si ce n'est que cette volonté, est sous la volonté suprême de son Seigneur. Si ce n'est que cette volonté est sous la volonté suprême de son Seigneur. Ainsi, quand le serviteur prie, c'est lui réellement qui prie. Quand il adore Allah, c'est lui réellement qui adore Allah Azza wa Jal. Et quand il désobéit Allah, c'est lui réellement qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout cela a lieu selon ce qu'Allah a déjà su, selon ce qui est inscrit et selon ce qui a été écrit. Ainsi, on trouve dans Surat Al-Kahf et dans Al-Shams, ces deux versets dont les sens, ces versets dont les sens sont, dit la vérité émane de votre Seigneur. Celui qui le souhaite, que celui qui le souhaite ait la foi, et celui qui le souhaite mécroit. Donc on voit que c'est l'œuvre du serviteur. Par l'âme et celui qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a inspiré son libertinage et sa piété. En vérité, l'homme qui purifie son âme sera sauvé et celui qui la corrompt sera réprouvé. Passons maintenant au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar. L'auteur nous dit Al-Jabbar lahu thalathatu ma'ani. Al-Jabbar a trois sens de contraignant. Al-awwal bima'na al-qahhar kama taqaddam. Le premier sens de Al-Jabbar est déjà passé, c'est le contraignant, le dominateur suprême. Le dominateur suprême. Al-Thani yarji'u ila lutfi al-rahmati wal-ra'fa, fa huwa alladhi yajburu al-kasir wa yughni al-faqir wa yassiru al-mu'sir aw wa yuyassiru al-'asir wa yujbiru al-marid والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافات له. L'auteur حفظه الله تعالى nous dit le second sens de Al-Jabbar. Il est celui qui, ou plutôt le second sens de Al-Jabbar fait référence à la grâce de la miséricorde et de la compassion. Allez, ça revient aux attributs de douceur, aux attributs de miséricorde, aux attributs de grande compassion. C'est lui qui réduit la fracture d'une personne. C'est Allah Azza wa Jal qui réduit la fracture d'une personne, enrichit le pauvre, rend aisé celui qui est ardu. Il console le malade et l'affligé en l'aidant à faire preuve d'endurance et en lui facilitant la guérison. En contrepartie de sa souffrance, il lui accorde une grande récompense. Une grande récompense. Donc le deuxième sens de Al-Jabbar, c'est celui qui vient accorder assistance, refuge, douceur, miséricorde, pitié à celui qui est dans la difficulté, la pauvreté, à celui qui est malade. Il le guide et l'aide à être endurant et puis il lui facilite la guérison. « Ma ta'widhihi ala musabihi » أعظم الأجر. Et en échange de cela, il lui accorde la plus grande des récompenses. ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله وقلوب المنيبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله بما يفيض على قلوب من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد. Allah subhanahu wa ta'ala accorde cela à ses serviteurs, mais d'une manière plus particulière, Allah attache une importance particulière à remettre en état les cœurs de ceux qui se soumettent à sa grandeur et sa majesté, de ceux qui l'aiment et se plient à sa perfection, de ceux qui souhaitent sa faveur et ses dons. Il agit ainsi en répandant dans leur cœur l'amour, les divers types de connaissances et de la grâce divine. De même, il les guide vers la voie de la rectitude. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, à ses serviteurs pieux, il leur accorde tout cela. Il leur accorde tout cela. Il met dans leur cœur l'amour. Il met dans leur cœur tout type de connaissances. Et il leur accorde la réussite, la guidée, la droiture. وقال الداعي اللهم اجبرني يراد به هذا الجبر الذي حقيقة إصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهديني وارزقني رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Dans l'invocation, lorsque tu dis Allahumma jburni, voici ce qui est voulu. Ô Allah, réconforte-moi, ça désigne cette guérison dont la réalité consiste à réformer le serviteur et à le protéger de tous les désagréments et les torts qui le menacent. Entre deux prosternations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ô Allah, pardonne-moi. Aie pitié de moi, réconforte-moi, guide-moi et accorde-moi ma subsistance. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi ibn Majah, son Abdullah ibn Abbas. Passons maintenant au troisième sens de Al-Jabbar. Aïe l'Ali ala kulli shay. Alladhi lahu jami'u ma'ani l'ulu. Ulu'i al-dhati wa ulu'i al-qadr wa ulu'i al-qahr. Le troisième sens de Al-Jabbar est celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui est au-dessus de toute chose. Il possède tous les sens de l'élévation. Il possède tous les sens de l'élévation. Il est élevé de par son essence, par rapport à son essence. Il est élevé par rapport à son rang, c'est-à-dire la perfection de ses attributs. Et il est élevé dans le sens de la domination. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de tout, lui-même de par son essence, lui-même de par la perfection de ses attributs, et troisièmement, lui-même de par sa domination absolue sur l'ensemble de ses créatures. Al-Ulu a ces trois sens-là, ces trois domaines-là d'élévation. L'élévation de par l'essence, c'est-à-dire qu'Allah est au-dessus de tout, de toutes ses créatures. La créature la plus haute étant l'Arche. Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux, au-dessus du Arche, au-dessus du trône. Ulu al-Qadr, ça signifie Ulu al-Sifat, Kamaluha. Ulu al-Qadr, ça signifie la perfection d'Allah dans ses attributs. Il est au-dessus, il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Et Ulu al-Qahr, ça signifie le fait d'être au-dessus des autres par la domination, par la force. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل. الدال عليه اسمه الجبار. ففي المسند والسنن عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقر لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. Quand il s'inclinait, se prosternait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, exaltait ou immensifiait son Seigneur en évoquant la toute-puissance d'Allah indiquée par son nom Al-Jabbar. Ainsi, on retrouve dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans les Sunan, le hadith de Awf ibn Malik al-Ashja'i, qui rapporte « Une nuit, je me suis levé pour prier en compagnie du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis debout et a récité Sourate al-Baqarah. Il ne passait pas un verset de miséricorde sans s'arrêter pour adresser une demande à Allah. Il ne lisait pas un verset sur le châtiment sans s'arrêter pour rechercher une protection auprès d'Allah. Ensuite, il s'est incliné pendant un temps équivalent, c'est-à-dire équivalent à au temps où il était debout en train de réciter, proche de ce temps-là, en récitant, exempt soit le possesseur de la puissance, de la royauté, de la magnificence et de la grandeur. Puis il s'est incliné aussi longtemps qu'il était resté debout et a prononcé la même formule. Ensuite, il a lu Surat Ali Imran. Puis, il a récité des sourates les unes après les autres. والجبروت لله وحده ومن تجبر من الخلق باء بسخط الله واستحق وعيده وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة قال الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وروى أحمد والترمذي من أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله إلها آخر والمصورين. نعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. La toute puissance appartient à Allah seul. Le fait de dominer l'ensemble appartient à Allah seul. Celui qui se montre orgueilleux et qui veut être au-dessus de tout le monde affrontera la colère d'Allah, méritera la menace qu'il a brandie. En effet, le Tout-Puissant a averti qu'il punira sévèrement toute personne arrogante et qu'il mettra un scellé sur son cœur avant de l'envoyer au feu au jour de la résurrection. Ainsi, dans Surat Ghafir, on nous dit selon la traduction des sens de ce verset, c'est ainsi qu'Allah endurcit le cœur de tout tyran orgueilleux. Ou bien scelle le cœur de tout tyran orgueilleux. Et dans Surat Ibrahim, sur la traduction des versets, des sens de ces versets, Wastaftahu, ils ont traduit, les prophètes demandèrent alors à Allah la victoire. Et aussitôt tout tyran insolent fut déçu, en attendant de se retrouver en enfer, où sa boisson sera faite d'eau fétide, qu'il tentera d'absorber à petites gorgées, et c'est avec peine qu'il pourra y arriver. Et la mort l'assaillira de toutes parts, mais il n'en mourra pas pour autant, car il est appelé à subir un terrible châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les tyrans et ceux qui tentaient de dominer les serviteurs d'Allah, de les opprimer injustement, Allah azza wa jal les humiliera au jour de la résurrection. Il les humiliera le jour de la résurrection. On nous dit même qu'ils seront ressuscités tels des petites fourmis. Ils seront ressuscités telles des petites fourmis, les orgueilleux. Et les gens leur marcheront dessus. Et ils essayeront d'éviter cela. Eux, dans ce bas monde, ils se gonflaient d'orgueil. et tentait d'avilir les serviteurs d'Allah, d'avilir les croyants. Allah Azza wa Jal va les rétribuer pour cela yawm al-qiyamah en les ressuscitant amthal al-dharr, telles des petites fourmis. Telles des petites fourmis, et les gens leur marcheront dessus et ils essayeront de les éviter. Il a été rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed al-Tirmidhi selon Abu Rayra radiallahu anhu que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: au jour de la résurrection sortira du feu, c'est-à-dire de l'enfer, un coup. Sortira du feu de l'enfer un coup doté de deux yeux avec lesquels il voit, de deux oreilles avec lesquelles il entend, d'une langue avec laquelle il parle. Il annoncera: on m'a confié la charge de trois catégories de gens. On m'a confié la charge de trois catégories de gens. La première, tout tyran entêté. Tout tyran entêté. La deuxième, toute personne qui prétend qu'il y a une autre divinité avec Allah. Troisièmement, ceux qui font les représentations. Troisièmement, ceux qui font les représentations. Les photos et autres de ceux qui possèdent une âme. Qu'Allah nous préserve du feu et de la colère de Al-Jabbar. Nous demandons au Seigneur de nous protéger contre les mauvais, nos mauvais ou bien les mauvais traits de caractère, les passions et les maladies. Il est certes celui qui entend les invocations, dans le sens qui exauce les invocations, béni, exalté soit-il. Voici pour les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz et Al-Jabbar. Nous marquons une légère pause et on poursuit avec les noms d'Allah, Al-Qari et Al-Mujib. La semaine passée, nous avons étudié le nom d'Allah Azza wa Jal. Al-Ghalib, les noms d'Allah Al-Ghalib et Al-Nasir. Sur le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Nasir, il y a une divergence entre les gens de science. Certains l'ont affirmé pour nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant pour preuve les quatre versets qu'on a mentionnés, et d'autres ont dit, on informe d'Allah Azza wa Jal que c'est Al-Nasir, mais ça n'atteint pas le rang d'appellation. Ça n'atteint pas le rang d'appellation. Wallahu a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى القريب والمجيب وقد جمع الله بين هذين الاسمين في قوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ولم يرد المجيب في غير هذا الموضع وأما القريب فقد ورد في موضعين آخرين هما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب. وقرب الله. Ou avant ça, donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Qarib, celui qui est proche, Al-Mujib, celui qui répond. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre ces deux noms dans sa parole, sur la traduction des sens du verset de Hud, et au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Ô mon peuple, dit-il, n'adorez qu'Allah, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. C'est lui qui vous a formé de la terre et qui vous y a établi. Demandez-lui donc pardon et revenez repentant vers lui. Car mon Seigneur est proche et prompt à exaucer les prières. Le nom d'Allah, Al-Mujib, n'est mentionné que dans cet endroit. Le nom d'Allah, Al-Mujib, n'est mentionné que dans ce passage du Coran, de Sourate Hud. Quant au nom d'Allah, Al-Qarib, il a été mentionné dans deux autres versets, à savoir dans Sourate Hud et dans Sourate Saba. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, c'est plutôt Sourate Al-Baqarah. Il faut corriger dans la traduction. C'est Sourate Al-Baqarah, verset 186. Sourate Al-Baqarah, verset 186, et non pas Sourate Hud. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Toujours, je réponds, et ici il est écrit, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Je réponds à l'invocation ou à la demande de celui qui m'invoque. Qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient bien guidés vers la voie du salut. Puis dans Sourate Saba, dit, si je suis dans l'erreur, j'en supporterai seul les conséquences. Et si je suis dans la bonne voie, c'est aux révélations de mon Seigneur que je le dois, car il entend tout et il est tout proche. وقرب الله الذي تدل عليه هذه الآيات هو قرب خاص من العابدين المحبين الداعين المستجيبين قرب لا يدرك له حقيقة وإنما نعلم آثاره من لطفه بهم وتوفيقه لهم وعنايته بهم ومن آثار إجابته للداعين وإثابة للعابدين كما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Cette proximité divine qui nous est indiquée dans ces versets est une proximité propre aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal croyants, à ceux qui l'adorent, à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'invoquent, à ceux qui répondent à son appel. C'est un rapprochement qu'on ne peut appréhender réellement, mais dont on ressent les effets à travers sa bienveillance envers eux, la grâce qu'il leur accorde, le soin dont il les entoure, l'exaucement de leurs invocations et la récompense qu'il donne à ceux qui l'adorent. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, votre Seigneur a dit, implorez-moi, je vous exaucerai. Mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, entreront tête basse en enfer. Donc Allah Azza wa Jalla est proche. Mais il est proche du serviteur croyant. وقد ثبت في السنة أحاديث عديدة تدل على قرب الله عز وجل من عباد المؤمنين وأوليائه المتقين يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلي باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول أو أرول أهرول نعم واسمه تعالى المجيب يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين ولا يخيب مؤمنا دعاه ولا يرد مسلما ناجاه ويجيب سبحانه ويحب سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية من الطعام والشراب والكسوة والمسكن كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والصلاح والإعانة على الطاعة ونحو ذلك ووعدهم على ذلك كله بالإجابة مهما عظمت المسألة وكثر المطلوب وتنوعت الرغبات. وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس، وأجابهم في جميع ما سألوه كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن طيب كملوا بعد الأذان إن شاء الله. Dans la sunna, de multiples hadiths authentiques prouvent qu'Allah est proche de ses serviteurs croyants et de ses pieux alliés. Il démontre qu'il entend leurs invocations, il répond à leurs appels et qu'il accède à leurs demandes. Ainsi, dans les deux authentiques, Abu Musa al-Ash'ari raconte: nous étions en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Lorsque les gens se mirent à faire le takbir à voix haute. Takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar, Allah est plus grand que toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reprit: ô vous les gens, ménagez-vous, soyez doux envers vous-même. Vous n'invoquez pas celui qui est sourd ou absent, au contraire, vous invoquez celui qui entend, qui est proche et qui vous accompagne. Celui qui est proche et il est avec vous. Celui qui est proche et il est avec vous. Selon les mêmes recueils de hadith, Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a dit: celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brassée. Et s'il vient à moi en marchant, j'avancerai vers lui en courant. Le nom d'Allah El-Mujib, le nom d'Allah le Très-Haut El-Mujib, montre que le Seigneur entend la supplication de ceux qui l'invoquent et qu'il accède aux requêtes de ceux qui le sollicitent. Il ne frustre pas l'espérance d'un croyant qui l'implore, ni ne renvoie les mains vides un musulman qui se confie à lui, qui lui demande. Le Seigneur aime que les serviteurs lui demandent tout ce dont ils ont besoin, tout ce dont ils ont besoin, sur le plan religieux aussi bien que mondain. Que ce soit la nourriture, la boisson, les vêtements, le logement. Il lui demande également la guider, le pardon, la réussite, la réforme. Il demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider ou de les aider à lui obéir. En contrepartie, il a promis de répondre à tous ses désirs, aussi diversifié soit-il, et à toutes ses requêtes, aussi grandes et nombreuses soient-elles. Il y a aussi l'indication que le pouvoir d'Allah est complet. Il en va de même pour sa royauté, ses trésors qui ne se tarissent pas et son don qui ne diminue pas, quand bien même il donnerait satisfaction aux premiers et aux derniers des djinns et des hommes en exaucant toutes leurs demandes. À ce propos, dans un hadith divin, il affirme: يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَةً مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْخَيْطُ أو الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. رواه مسلم. وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. Dans le hadith à thème divin, nous trouvons: ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, s'étaient tenus dans une seule et même plaine pour me solliciter que je donne à chacun satisfaction, cela ne diminuerait en rien ce qu'il y a auprès de moi, si ce n'est dans la mesure qu'une aiguille plongée dans l'eau enlèverait de l'océan. Rapporté par Muslim. Et dans les deux authentiques, le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallam exhorte: quand l'un d'entre vous invoque, qu'il ne dise point « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux », mais qu'il soit déterminé dans sa demande et que son désir soit grand. En effet, rien n'est trop grand pour qu'Allah ne l'octroie. وقد ورد في السنة النبوية أحاديث عديدة في الترغيب بالدعاء وبيان أن الله تبارك وتعالى يجيب الداعين ويعطي السائلين، وأنه جل وعلا حي كريم أكرم من أن يرد أن يرد من دعاه ويخيب من ناجاه أو يمنع من سأله. Et dans la sunna prophétique, de nombreux hadith incitent à invoquer Allah. Il souligne aussi qu'Allah répond à ceux qui l'implorent et qu'il exauce ceux qui le sollicitent. Le Tout-Puissant est pudique et généreux. Il est trop noble pour renvoyer les mains vides celui qui l'invoque, pour frustrer les attentes de celui qui se confie à lui, ou pour priver celui qui lui adresse une requête. Dans le cas d'Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, selon Salman al-Farisi, le prophète sallam nous dit: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Dans le hadith de Salman al-Farisi, certes Allah est pudique, noble, il a honte de son serviteur lorsqu'il lève les mains de les lui rendre vides. وفي حديث النزول الإلهي يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألوني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، وهو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة بلغ عددهم 28 صحابيا. Et dans le hadith relatif à la descente divine, le prophète sallam nous dit: Allah dit lorsqu'il descend au dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas, il annonce: qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Il s'agit d'un hadith rapporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une manière telle, c'est-à-dire ça s'est répandu et c'est provenu d'un nombre de compagnons tel que c'est impossible qu'ils se soient unis dans l'erreur, encore moins le mensonge. Pas moins de 28 compagnons ont rapporté ce hadith. وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتقين أن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري في صحيحه. Et on trouve dans le hadith atem divin, la grande place des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit dans le hadith atem divin: je déclare la guerre à celui qui témoigne de l'hostilité à l'égard de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus chère à moi que l'obligation que je lui ai prescrite. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres recommandées. Vous barrez surérogatoire, vous écrivez recommandé, jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il l'entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je l'exaucerai. Et s'il cherche protection près de moi, je la lui accorderai. Rapporté par l'imam al-Bukhari. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو السميع المجيب القريب أن يرفع عنا هذا البلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.